Monsieur Chongqing Atiu, Monsieur Chongqing Atiu, décédé à l'âge de 86 ans, le convoi mortuaire sortira ce jour du centre funéraire du Sud à la ligne Paradis. La bénédiction aura lieu à 15h à l'église de Saint-Louis, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Calpétard, née Picard, décédée à l'âge de 79 ans. Le convoi mortuaire sortira ce jour à 15h de la chapelle ardente du Tampon, boulevard du Lycée. La bénédiction aura lieu à 16h en l'église du 23e kilomètre ce jour, suivie de l'inhumation au cimetière du 23e kilomètre. Réunion première présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Passons à présent à quelques communiqués, un petit coup d'œil sur l'agenda de ce jour avec Veolia Eau, compagnie Gérald Dizot, qui vous informe, qui informe donc les clients de la commune de Brapanon que suite aux dernières pluies, il a été constaté donc une augmentation de la turbidité de l'eau. Et les abonnés doivent donc prendre la précaution de ne pas consommer l'eau. Il est conseillé d'utiliser de l'eau en bouteille ou à défaut de porter à ébullition l'eau du robinet et la faire bouillir pendant 3 minutes avant de la consommer. Et cette eau peut toutefois être utilisée pour tout autre usage sanitaire, toilettes, WC et lavage. Augmentation de la turbidité de l'eau également sur Saint-Pierre, à Bassin-Martin, Bassin-Plat, Concession-Condé, la ligne des bambous, Montvert-les-Bas et Piton-Montvert. Les mêmes recommandations sont à prendre avant de consommer cette eau. Il a été toujours constaté une augmentation de la turbidité de l'eau, cette fois-ci à l'étang salé, à Canotte-les-Bas, à Canotte-les-Hauts et à l'Entre-deux. Même recommandation. Et puis Veolia Eau qui informe ses clients de la commune de Sainte-Suzanne que la turbidité de l'eau aussi l'a augmenté. Réservoir Bellevue concerné, réservoir Bradouillère et le réservoir Valérie, les mêmes recommandations avant d'utiliser et de consommer cette eau. La mairie de Sainte-Marie vous informe de sa permanence qui se tient jusqu'au 5 juin. Concernant l'élu de permanence, il s'agit de M. Rémi Lagourgue et au 06 92 63 03 30. C'est à ce numéro que vous pourrez le joindre. Concernant l'état civil, 06 92 86 03 49 et la police municipale. Pour les astreintes funéraires, 06 92 64 25 43. Six Réunions informe ses abonnés que suite aux pluies, la qualité de l'eau est dégradée sur les communes suivantes, Saint-André, excepté la plaine de Chamborne, Salazie, l'ensemble de la commune, Saint-Benoît, le secteur de la rivière des Roches, Olympe, Abondance, Bourbier, Centre-Ville, Rive-Gauche, Cratère et Bracanote. À Sainte-Marie, le secteur Montessano, Terrain Elisa, Espérance, Beaufond, Mercanal, Espérance, Léo, Piton-Caillou et Beaumont-Trois. Les abonnés constatant la dégradation de la qualité de l'eau doivent utiliser de l'eau en bouteille pour la boisson et la préparation des aliments ou à défaut de la faire bouillir pendant 3 minutes. Sudéo informe ses abonnés de la commune du Tampon que suite à des travaux de raccordement, eh bien, la distribution en eau sera perturbée lundi prochain, lundi 6 juin, sur le secteur suivant, la ligne d'équerre, Grand Tampon, la Ville Blanche, Bérive, chemin Léopold-Brabant et Boissy. La remise en eau se fera dès achèvement des travaux, sauf incident sur le réseau. Et puis le trocal immobile du TCO continue sa tournée. Retrouvez cet espace de brocante gratuite, vous le savez, de 8h à 18h dans vos quartiers. Je vous rappelle qu'un objet déposé, c'est 5 récupérés. Et attention, les gros objets ne sont pas acceptés. Et aujourd'hui, le trocal immobile est toute la journée à 3 bassins sur le stade de Bois de Nèfle. Demain, eh bien samedi, le trocal sera à Saint-Paul sur le quai Gilbert, côté étang. Voilà pour ce communiqué du TCO. Réunion première. Cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. La boule ça m'a tombé. Ça l'allait la lalilé. Ça l'allait la lalilé. Ça l'allait la lalilé. Où la boule ça m'a tombé. Tout bon moment passé. Tout ça l'a fini fané. Sans tout et moi les brisés. Comprends pis qui ça m'y. Tout bon moment passé. Tout ça l'a fini fané. Sans toi et moi les brisés. Comprends pis qui ça m'y. Ça l'allait la lalilé. Ça l'allait la lalilé. Ça l'allait la lalilé. La boule ça m'a tombé. Ça l'allait la lalilé. Ça l'allait la lalilé. Emmanuel y va sur la première, Salali. Je vous souhaite un excellent week-end spécial, ça qu'il faut, sur la première. On se retrouve dès lundi à partir de 10h. Bon appétit à toutes et à tous. Soyez prudents sur le réseau routier, il est midi à La Réunion. Le journal de la rédaction, Nadine Bachelot. Bonjour Nadine. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Théophane Narayanan s'insurge contre les dérives extravagantes d'Air Austral. L'actionnaire de la compagnie aérienne parle de dépenses abyssales et dénonce l'opacité de certaines d'entre elles. Il compte porter plainte contre le président du directoire pour abus de biens sociaux et trafic d'influence. Des précisions dans ce journal. Les orthophonistes sont en colère et ils le font savoir en manifestant à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Depuis 3 ans, ils alertent sur leurs conditions de travail et les répercussions sur l'offre de soins aux patients. Le ça qu'il faut, ça démarre officiellement ce soir. Les premiers concerts sont prévus à partir de 18h à Saint-Pierre. Mais avec les caprices du temps, on verra à la fin de ce journal avec Daniel D'Ambreville comment se présente le coup d'envoi de cette grande manifestation musicale. Réunion première, Nadine Bachelot. La gestion de la compagnie aérienne locale Air Austral attaquée. C'est Théophane Narayanan, chef d'entreprise, actionnaire d'Air Austral et ancien membre du conseil de surveillance de la compagnie, qui monte au créneau. Il souhaite ainsi déposer une plainte pour abus de biens sociaux et trafic d'influence contre le président du directoire, Marie-Joseph Mallet. Théophane Narayanan entend dénoncer l'opacité du management et ses dérives. Selon lui, trop de dépenses inutiles sont faites, parmi lesquelles le changement de logo, le récent voyage de près d'une centaine de personnes vers Seattle ou encore l'acompte perdu de 40 millions de dollars pour l'achat annulé d'un Airbus A380. Une situation qui impacterait la gestion de la compagnie aérienne et surtout son offre tarifaire. Pour Théophane Narayanan, Air Austral ne remplit plus ses missions, en particulier celle de la coopération régionale pour laquelle elle est subventionnée. À l'origine, cette compagnie a été faite pour faire du régional. Je suis d'accord qu'elle fasse du national pour maintenir le niveau de compétition au niveau national, mais surtout bien irriguer le régional. Le régional, c'est vraiment Koh-Lanta. On ne peut pas avoir d'avion, il n'y a pas assez de dessertes et le prix est exorbitant. Il faut savoir qu'un Réunion Mayotte coûte plus cher qu'un Réunion Paris. Et dans ces conditions, ça ne peut plus prospérer. Donc elle a loupé sa vocation première de faire de la coopération régionale par la desserte au travers des biens et des personnes. Ça se fait au détriment des chefs d'entreprise, ça se fait au détriment de l'économie réunionnaise et de l'économie mahoraise, et ça se fait surtout sur la base d'un monopole concernant Mayotte. Théophane Narayanan, actionnaire d'Air Austral et ancien membre du conseil de surveillance de la compagnie, était au micro de Lise Ourdel. Les orthophonistes réunionnais répondent à un appel de la Fédération nationale des orthophonistes. Ils manifestent en ce moment devant les centres hospitaliers de Saint-Pierre et Saint-Denis. Ces professionnels de la santé doivent effectuer 5 ans d'études pour exercer, mais dans la fonction publique, elles démarrent leur carrière avec un salaire à peine plus élevé que le SMIC. Outre ces revendications salariales, les orthophonistes craignent aussi que leur profession disparaisse des hôpitaux car les postes sont de moins en moins nombreux en milieu hospitalier. L'occasion de se demander quel est le rôle d'un orthophoniste dans un hôpital. Nous avons posé la question à Marie-Christine Audry-Georges, vice-présidente du syndicat des orthophonistes de La Réunion. En neurologie, les orthophonistes, elles interviennent pour tous les patients qui ont fait un AVC, par exemple, un accident vasculaire cérébral, qui ont des sorties de coma. On peut travailler en pédiatrie avec les tout-petits et après dans les services de référence, par exemple à l'hôpital d'enfants. Il y a des orthophonistes qui font des rééducations. On peut travailler en ORL parce que si on a une paralysie récurrentielle, si on a eu un cancer en oncologie, tous les cancers ORL, s'il y a une seule orthophoniste dans un service, vous imaginez bien, si en plus elle n'a pas un temps plein, qu'elle ne peut pas prendre en charge tout le monde. La Fédération nationale des orthophonistes devait être reçue par la ministre de la Santé aujourd'hui à Paris pour évoquer les problèmes de cette profession, mais la réunion a été annulée par le ministère. L'affaire du foyer de Terre Rouge n'est pas terminée. Nassima Dindar, Bachil Vali et Jean-Jacques Lodi ont décidé de faire appel du jugement rendu hier par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Les trois élus ont été reconnus coupables d'avoir favorisé l'embauche de partisans politiques. La présidente du conseil départemental écope de la peine la plus lourde, au-delà de ce qui avait été requis, avec 3 ans d'inéligibilité. Le député Jean-Jacques Lodi, de 18 mois d'inéligibilité et de 30 000 euros d'amende. Et quant à Bachil Vali, 1 an d'inéligibilité et 10 000 euros d'amende. Paul Junot, le président de la CFTC Réunion, était l'invité de la matinale sur Réunion Première. Le syndicat était à l'origine de la plainte dans cette affaire. Paul Junot salue les condamnations des élus. Une bonne chose pour la Réunion, dit-il. Cela dit, rien n'est fait puisqu'il y aura un procès en appel. Paul Junot reste optimiste. Malgré tout, il pense que ces condamnations ne seront pas remises en cause. Les faits sont suffisamment caractérisés pour aller jusqu'au bout et pour que la condamnation soit peut-être au même niveau, peut-être un peu plus bas. Mais là, on est, je dirais tout simplement, dans une peine maximale pour une faute capitale. Et s'il y a relax, ce premier jugement, malgré tout, il pourra aider d'autres victimes à briser le silence ? Mais il y a une prise de conscience, en tout cas, qui laisse à comprendre que la garantie d'impunité qui existait jusqu'à maintenant n'est peut-être plus de mise et ça peut changer quand même quelques comportements au niveau des politiques et du pouvoir en général. Paul Junot répondait à Philippe Dornier ce matin. L'actualité dans la région, la police mauricienne multiplie les perquisitions et les interrogatoires depuis lundi. Elle est à la recherche des auteurs de coups de feu sur l'ambassade de France et l'hôtel voisin, le Saint-Georges, à Port-Louis. Les tireurs ont laissé derrière eux des inscriptions laissant croire qu'ils ont fait allégeance à l'État islamique. De Port-Louis, Abdullah Erali. Pour l'heure, les enquêteurs concentrent leurs efforts dans certains quartiers de la capitale, estimant que les auteurs de cette attaque nocturne qui n'a pas fait de blessés seraient venus des hauts quartiers de la région. Une dizaine de perquisitions ont eu lieu et à ce matin, 5 personnes ont été interrogées, dont 2 convoquées au quartier général des enquêteurs. Elles ont été longuement interrogées avant d'être autorisées à partir. La pression commence à se faire sentir sur la police qui, 24 heures après l'attaque, avait pourtant annoncé que des arrestations étaient imminentes. Faut dire que les enquêteurs disposent de très peu d'indices, excepté 3 silhouettes enregistrées par des caméras de surveillance de piètre qualité de l'ambassade de France. Les malfrats n'ont pas laissé de traces. L'enquête se concentre sur tous les détenteurs de fusils de chasse parce que c'est ce type d'arme qui a été utilisé. La police rouvre aussi le dossier de certains Mauriciens qui voulaient, selon la presse, se rendre en Syrie. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte qu'elle n'a pas de piste solide. La politique agricole commune a mis 2 ans à se mettre en place. L'Europe a ensuite eu à adapter ses logiciels informatiques. Résultat, les subventions ont pris beaucoup de retard et les agriculteurs des DOM, particulièrement les éleveurs, tirent la langue. La Chambre d'agriculture et le ministère ont donc décidé de réactiver le fonds d'aide de 150 000 euros non utilisé l'an passé et aussi de mettre en place un système d'aide d'urgence. Bruce Réjean. Depuis 15 ans, on travaille. Et aujourd'hui, quand on se trouve avec un petit souci de trésorerie, enfin, pas grand-chose, il ne manquait pas grand-chose pour nous relever. Et ils vont nous fermer la porte dessus. La peur de Jean-Louis Dervillé, c'est d'être pris dans un cercle vicieux. Quand les subventions tardent, cet éleveur laitier de la plaine des Cafres en pâtit. C'est bête. Voilà, on n'élève pas nos animaux comme qu'il faut. On essaye de faire des économies. Et en faisant des économies, c'est là que notre exploitation périt. Pour éviter ça, la Chambre d'agriculture va donc amener son soutien logistique. Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre verte. Souvent, les agriculteurs ne savent pas comment faire vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de la sécurité sociale, vis-à-vis des fournisseurs, que ce soit l'UOCOPA ou les coopératives d'APRO. Ben, ils risquent de nous faire une rupture au niveau de l'alimentation en bétail, même la banque aussi déjà, des mises en demeure, tout ce qui s'ensuit. Et justement étaler toutes les dettes qu'ils ont. Principal responsable, les aides européennes qui se font trop attendre, le DAF, le directeur de l'agriculture, donc Philippe Simon en est bien conscient. Il y a des agriculteurs qui vont pouvoir passer le cap, mais les plus fragilisés ont besoin d'un coup de main. Donc le gouvernement a décidé de mettre en place des aides à la trésorerie, exploitation par exploitation. Attention, ce ne sera pas un chèque en plus, mais par exemple la prise en charge des intérêts, des éventuelles échéances reportées. Et l'État ajoute surtout une promesse, il sera garant auprès des banques que les subventions finiront bien par arriver. Incendie ce matin à la Possession. Le feu s'est déclaré sur le balcon d'un appartement au 3e étage d'un immeuble rue de la Boulangerie. Les sapeurs-pompiers ont été prévenus un peu avant 8 heures. Plusieurs personnes ont été évacuées le temps de l'intervention des secours. Une mère de famille et ses 2 enfants, incommodés par la fumée, ont été soignés sur place par l'équipe médicale. Les dégâts matériels sont importants. Les 3/4 de l'habitation ont été endommagés. On ne connaît pas l'origine du sinistre. 2h10 sur Réunion Première, la suite du journal. Nadine Bachelot. Le sac qu'il faut, ça démarre officiellement ce soir. Les premiers concerts sont prévus à partir de 18h à Saint-Pierre. Au programme notamment Lilywood and the Prick sur la scène Salin à 21h, tout comme les Castor Flatwares. Ebd al-Malik, lui, sera à la Poudrière avec un spectacle qui sera un peu plus qu'un simple concert. J'espère qu'ils seront surpris. L'idée, c'est de les surprendre et comme on essaie de se surprendre nous-mêmes. Mais on a amené un spectacle ouais, particulier, quelque chose entre la rave party, le concert de rap et l'installation d'art contemporain. On a vraiment, sur ce disque et sur cette tournée, on avait vraiment envie d'amener un truc singulier, une expérience forte qui se vive à la fois comme on vit un concert, mais aussi l'émotion, une émotion encore particulière qui toucherait comme une sorte d'œuvre d'art totale. Voilà, donc c'est ça qu'on amène et on va festoyer tous ensemble. Ah ben, je pense qu'il faut toujours viser haut. Après, on ne sait pas où on arrive, mais il faut toujours viser haut. Oh, ne fais pas ça, ma jolie. Abd al-Malik, invité du Sac qu'il faut, était au micro Réunion Première de Sophie Persson. Le Sac qu'il faut, donc, c'est sur Réunion Première tout ce week-end. Alors donc, ça démarre ce soir, mais avec les caprices du temps. Comment se présente le coup d'envoi de cette grande manifestation musicale, Daniel d'Ambreville? Alors Nadine, je ne vous cache pas que les organisateurs ont les yeux rivés sur les sites météo. Hier soir, la pluie est venue perturber les concerts dans la ville. Ce matin, heureusement, le soleil est de retour. En revanche, Nadine, le vent, toujours le vent, souffle très fort et inquiète le directeur du festival, Alexandre Ruiné. On enregistre ici des rafales à 55 km/h. Il faut savoir qu'à partir de 70 km/h, pour des raisons de sécurité, les scènes sont descendues, démontées. Vous comprenez alors pourquoi les organisateurs suivent avec autant d'assiduité et d'angoisse les évolutions du temps. Une météo qui devrait s'améliorer selon les prévisions de Météo France. Une météo, Nadine, qui ne, pour le moment, n'empêche pas le bon déroulement des préparatifs. Le balai des camions de livraison d'eau, de bière et autres denrées se poursuit depuis l'ouverture du site ce matin. Les petites mains partout s'activent, installent les derniers chapiteaux, les derniers câbles. Et sur les scènes, les balances ont commencé. Et ces instants de réglage essentiels pour la qualité du son réservent souvent des moments magiques. Écoutez, pour vous donner un avant-goût, ils s'appellent les Sangoy Blue. Ils seront sur la scène de la Poudrière ce soir à 23h. Et ils seront cet après-midi sur le plateau de Réunion Première à 18h15 dans le Mag Culture avec Jean-Paul Mélade. Merci Daniel d'Ambreville. Et puis la fête des Goyaviers démarre aussi aujourd'hui à la Plaine des Palmistes. C'est la 28e édition cette année et ça se déroule sur le champ de foire du bassin Cadet. Prudence, on nous signale un accident au niveau du giratoire de Gillot à Sainte-Marie. 4 véhicules sont impliqués dans cet accident. Il y aurait 3 blessés. L'intervention des pompiers est en cours. Nous arrivons au terme de cette édition. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à partir de 17h pour l'actualité locale. Et nous retrouvons tout de suite les titres de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Et alors qu'il est 20 000 foyers sont privés de courant, près de 10 000 rien qu'en Seine-et-Marne, pas d'électricité non plus dans certaines communes de l'Essonne, du Val-de-Marne, des Yvelines ou encore du Loiret. Le Loiret où la décrue a commencé, mais elle sera très lente, assure ce matin Ségolène Royal. La ministre de l'Environnement craint la découverte de victimes au fur et à mesure que l'eau se retirera. À Paris, vous l'entendiez il y a quelques secondes, la Seine déborde par endroits, ce n'est pas fini, ça perturbe les transports. Impossible par exemple ce matin d'accéder au périphérique au niveau de la porte de Bercy. L'autoroute A4 y est fermée et pas de RERC entre Paris-Austerlitz et le terminus Pontoise. Rajoutez à cela la grève de la SNCF qui continue 3e jour, une grève à l'appel de la CGT et de Sud. Une réunion de négociation doit avoir lieu lundi. En Grèce, les secours toujours en train de sauver des centaines de migrants qui risquent la noyade. Leur bateau a fait naufrage au large de la Crète. La France organise aujourd'hui une réunion internationale sur le conflit israélo-palestinien. Paris espère relancer le processus de paix. Les représentants d'une trentaine de pays occidentaux arabes de l'ONU et de l'Union européenne y participent. Et puis, grosse journée au tournoi de tennis de Roland-Garros. Les 4 demi-finales hommes et femmes au programme. À partir de 13h, Serena Williams sera opposée à la néerlandaise Kiki Bertens. L'espagnole Garbine Muguruza affrontera l'australienne Samantha Stosur. Les demi-finales hommes n'auront pas lieu avant 15h. Le central abritera le match opposant Stan Wawrinka au tenant du titre, Andy Murray, le numéro 2 mondial. France Info. L'info revient à 13h. 12h15 sur Réunion Première, bonjour à tous. Un coup d'œil sur la météo de cet après-midi. Il a été mesuré sur la région de Saint-Pierre des rafales de vent à 80 km/h. Le vent souffle fort, toujours aussi fort, avec des rafales qui atteignent encore 60 voire 70 km/h. Elles concernent la région du littoral qui s'étend du sud de la côte sauvage à Saint-Pierre. Et en fin d'après-midi, ça va se calmer enfin, nous dit Météo France, avec des rafales qui n'atteindront plus que 30 km/h à 50 km/h. Sur la côte nord, des rafales soufflent encore entre 50 et 60 km/h. Sur le littoral nord et est, des éclaircies nombreuses et le soleil à beau jeu, tandis que sur les hauteurs de ces régions, le ciel est moins beau avec des nuages épars qui s'y raccrochent. Côté ciel, les nuages prendront du service dans l'ouest, sur les flancs des montagnes et rentreront un peu plus dans les cirques. Rapidement, ces nuages déborderont sur les Hauts-de-Saint-Gilles, Saint-Leu et la Possession, donnant quelquefois de petites pluies. En soirée, tout se calmera partout ailleurs. Le ciel se montre sous son plus bel habit de fête ensoleillé. C'est écrit par Météo France. Les températures au plus chaud de la journée, 12 à 14 degrés sur les flancs du volcan, 24 à 26 degrés sur le littoral exposé au vent, 24 à 29 degrés sur les plages de l'ouest. Information routière sur Réunion Première avec Laurence de la Direction Régionale des Routes. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. À la mi-journée, il faut rappeler que suite aux dernières pluies sur la RN 2002 à Sainte-Suzanne-le-Radier, submergée et fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Pour continuer, je vous rappelle qu'il y a également cet accident qui est toujours en cours sur la RN 6 à Saint-Denis. Ça se passe juste avant le giratoire de Gillot sur la voie de droite qui est du coup neutralisée. De grosses perturbations à prévoir depuis le giratoire Cerf, donc qui se trouve en amont. Donc l'accident, bien sûr, je le rappelle, est toujours en cours. Et donc patience si vous vous trouvez dans ce secteur, toujours à Saint-Denis, mais sur le boulevard Lancastel cette fois-ci, le trafic est ralenti vers l'est. Le bouchon, il va commencer dès le carrefour avec la rue Labourdonnais pour se terminer vers la fin de la rue Léopold-Rambaud. Rassurez-vous, pour le moment, à l'entrée ouest, il y a juste un trafic chargé à partir du virage de la Caserne Lambert. Dans l'ouest, sur la 4 voies de Saint-Paul vers Saint-Pierre, c'est chargé entre Cambay et Savannah. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire à la mi-journée. Bon appétit à tous et rendez-vous un peu plus tard. Les inforoutes, c'est sur Réunion Première. Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Pour avoir une salade de palmiste croquante. Prisca sur Réunion Première. On ne prépare d'abord la vinaigrette. Au moment qu'on coupe le palmiste en petite lamelle. Tous les jours sur Réunion Première, découverte des produits de notre terroir. Et bien voilà, vous avez une salade qui reste. Du lundi au vendredi, avec vous. 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Du 2 mai au 5 juin, vivez le Sakifo 2016 sur Réunion Première. Avec les découvertes du Sakifo, les émissions en direct, le réchauffé du dimanche matin et les retransmissions de concerts. Le Sakifo 2016, du 2 mai au 5 juin. Le Sakifo sur Réunion Première. Retrouve les FPI au cœur du festival. Les FPI, c'est Sakifo. Lou chérie, j'essaie de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sophia. Avec Sophia ? Et c'est qui celle-là ? C'est un service gratuit de l'assurance maladie qui m'aide à mieux vivre avec mon diabète. Un infirmier me conseille sur mon activité physique, mon alimentation et les examens de suivi. En discutant avec lui, j'ai décidé de reprendre le vélo. Merci Sophia. Ôtez ! Allons bouger ensemble ! Pour en savoir plus et savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement gratuit Sophia, appelez le 0809 109 974. L'assurance maladie. Service gratuit plus prix appel. Destiné aux diabétiques du régime général de l'assurance maladie, sous certaines conditions. Première. Voici à présent sur Réunion Première l'émission Paris sur mer. Une émission réalisée à Cannes par Radio France. Une émission présentée par Dominique Roderer. Et les questions de Cassandre, une histoire d'une jeune fille adolescente qui disparaît dans les Hauts. Cassandre prend la tangente Paris sur mer sur Réunion Première. Paris sur mer, Dominique Roderer. Ils sont venus à l'île avec un doris. On descend dans la cave en dansant. On a chanté et après il s'est mis à pleuvoir. Il n'est pas très bon de passer pour un river. Bonjour. À l'ombre de son volcan, le cinéma réunionnais fait des flammes. Pour la deuxième année de suite, il rafle le prix Océan de Franceau. Le lauréat 2015, Geoffrey Renambatz, dont le titre Cassandre n'a pas été de mauvais augure, a vu son court-métrage projeté en clôture de la quinzaine des réalisateurs. La lauréate 2016, Julie Jouve, pour Tangente, peut commencer à réfléchir à son casting. L'année prochaine, ce sera son tour d'avoir les honneurs de la croisette. Ils sont là tous les deux avec nous à Cannes, avec également Célia Lebrument, l'interprète de Cassandre. Et en compagnie du président du jury du prix Océan, l'acteur et réalisateur Lucien Jean-Baptiste, déjà 3 longs métrages au compteur et bientôt un 4e, Il a déjà tes yeux. L'année dernière, Jean-Marie Chazot nous rendait compte du scénario de Cassandre, prix Océan 2015. Cette fois, il a vu le film présenté à Cannes et il n'est pas déçu. Inquiétante réunion vue des hauts, c'est là que la caméra suit une pré-ado, Sakodo, bientôt confrontée à un fantôme, son double, après un hommage rendu à son père disparu. Les bruits, les images, les ombres et les lumières, tout concourt à nous embarquer aux côtés de Cassandre. La jeune interprète qu'il incarne sait se montrer tour à tour déterminée, en colère, inquiète, voire effrayée d'un simple regard. Les mots sont rares et le pari de laisser parler un environnement naturel déserté mais vibrant est gagné tant le récit, énigmatique et simple à la fois, est porté par les images d'une nature ample et superbe. Bonjour Geoffrey Renambatz, Célia Lebrument, Julie Jouve et Lucien Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors vous, Geoffrey Renambatz, est-ce que vous avez fait exactement le film que vous aviez envie de faire ? J'ai fait exactement le film que j'avais envie de voir, surtout. Oui, je pense qu'on s'en est approché, bien qu'à un moment donné, il y a une réalité qui se modifie au montage, en fait, et où on pense un peu plus au spectateur et à le ménager, on va dire. Et le réalisateur Geoffrey Renambatz n'en a pas trop voulu au scénariste Renambatz Geoffrey de scènes sur le papier, impossible à tourner une fois qu'on est avec la caméra ? Alors, il y a eu très peu de scènes réellement impossibles à tourner. En fait, on s'est arrangé quand même pour arriver à toutes les faire. Le truc le plus compliqué, je dirais, c'était éventuellement de voir avec la comédienne. Mais la comédienne a été parfaite et a réussi à tout assumer dans le scénario. Alors, je me rappelle, tiens, justement, l'année dernière, que vous disiez, il va y avoir un problème de taille quand même, c'est de trouver cette comédienne qui porte le film à elle toute seule. Comment est-ce que ça a pu se résoudre, ce problème ? Ça a pris combien de temps ? Ça a pris, on va dire, un petit mois à peu près, le temps de rencontrer plusieurs comédiennes. Et après, il y a eu un choix relativement évident qui s'est fait grâce à Célia, qui avait déjà aussi une petite expérience de tournage. Célia Lebrument, quelle expérience alors aviez-vous jusque-là ? Juste avant, j'avais tourné dans Allez Coco, un court-métrage de Elsa Damani, où je n'avais pas un rôle principal, mais où elle avait écrit une partie du scénario après m'avoir vu au casting, pour moi. Et de porter un rôle principal, justement, on a une petite appréhension au départ ? Oui, surtout pour les textes, mais bon, ça allait, il n'y avait pas trop de dialogue. Il n'y en a pas beaucoup de textes, non, hein, quand même, il faut reconnaître. Il n'y en a pas beaucoup, donc... Du coup, pour une première, c'était bien. Geoffrey ? Mais oui, certes, il n'y a pas beaucoup de textes, mais il y avait une vraie présence à avoir à la caméra et qui a été parfaite et dont on s'est rendu compte très très vite au casting. Alors Lucien Jean-Baptiste, vous êtes en l'occurrence président de ce prix du scénario. Moi je me demande comment vous faites, en règle générale, vous les réalisateurs, pour voir déjà des images en écrivant ça sur le papier ? C'est comme la lecture d'un roman, on a des images qui viennent, et puis après, il est vrai qu'il y a, forcément un gap, comme on dit aujourd'hui, entre ce qu'on a imaginé et ce qu'on a écrit et ce qu'on va réaliser. Maintenant, souvent, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que la réalité du tournage est parfois bien meilleure que ce qu'on pouvait imaginer. Parfois, ça dépasse. Et je voulais demander à Geoffroy, au niveau météo, ça a été... Oui. Parce que ça, c'était important. C'était important dans le scénario. Oui, dans le scénario. Oui, fait, on n'a pas eu un seul jour de pluie tout le tournage. C'est ce qui était voulu, donc on a fait plein de rites étranges pour y arriver, et ça a marché. Voilà, c'est notre question. Lucien Jean-Baptiste, toujours pour que Julie Jouve, tiens, qui va s'attaquer maintenant au film qu'elle a écrit, puisse se faire une idée, quelle est la part du scénario qui reste finalement dans le résultat final ? Oh, il reste 150%, parce que les étapes suivantes sont des sublimations, c'est-à-dire que on le dit souvent, hein, ce qu'on a dans la tête meurt quand on l'écrit, ce qu'on a écrit meurt au tournage, et ce qu'on a tourné meurt au montage. Donc ce sont des étapes, mais on c'est toujours dans le sens de la sublimation. L'année dernière, Julie Jouve, vous aviez déjà concouru au prix Océan et talonné Cassandre, puisque votre autre projet Kwasa Kwasa a reçu une mention spéciale. Alors cette fois, c'est la bonne, hein, c'est vous qui êtes lauréate. Vous êtes d'accord avec le jury, d'ailleurs, l'histoire de Tangente est encore meilleure que la précédente ? Oui. Je suis d'accord avec le jury. C'est vrai que Kwasa avait obtenu la mention spéciale, mais il restait difficilement réalisable. Et puis, il a beaucoup évolué depuis, d'ailleurs. Et Tangente, qui n'a rien à voir avec l'histoire de Kwasa. Mais les deux scénarios me tiennent autant à cœur. Alors, en attendant donc les images de Tangente au Festival de Cannes 2017, Jean-Marie Chazot a repris son travail de lecture de scénario et il nous donne le contenu de votre futur court-métrage. Elle court au milieu des fous de la fameuse Diagonale, le super trail de la Réunion, mais on n'entendra pas tout de suite sa voix. Elle s'isole aussi, boule quiesse dans les oreilles. Mais des flashbacks, d'abord sonores, puis plus précis, donneront des indices. Elle s'appelle Florie, et on va souffrir avec elle en gravissant les hauteurs de Saint-Pierre, puis en courant de nuit, lampe frontale sur la tête. Qui est Florie ? Qu'a donc de si particulier cette jeune créole réunionnaise, pas encore trentenaire, mais qui semble avoir un lourd passé ? Ira-t-elle jusqu'au bout de cette course réputée si difficile ? Tangente présente la promesse d'un suspense à la fois intime et physique sur fond de réalisme social plutôt bienvenu. Julie Jouve, expliquez à ceux qui ne la connaissent pas en dehors de La Réunion ce qu'est la Diagonale des Fous. Alors la Diagonale des Fous porte bien son nom, enfin son surnom, parce que c'est un truc de cinglé. Le Grand Raid, voilà. Et en gros, on traverse La Réunion en diagonale. Donc on a 10 000 mètres de dénivelé positif. Et une totalité de 965 km. Et ça prend combien de temps pour nous donner une idée à peu près de la performance ? Alors la course est ouverte pendant 3 jours et 3 nuits. Et puis il faut savoir que le champion l'a fait en moins de 24 heures. Et c'est voilà. Le fait que le directeur de course, c'est vraiment un éducateur sportif en milieu carcéral qui vous a inspiré, Tangente ? Tout à fait. L'actuel directeur de la course, qui est aussi le traceur du parcours, Denis Boulet, pour ne pas le citer, est un éducateur sportif qui, a une quinzaine d'années, a commencé à entraîner des détenus de la prison du Port. Donc il fait ce qu'on va voir dans votre film, hein, c'est-à-dire qu'il invite des détenus à participer en toute liberté, c'est ça ? Oui, alors c'est ce qui est formidable, c'est qu'en fait, il les entraîne pendant un an en prison. C'est une sorte de contrat moral, de contrat de confiance. Ils ont une autorisation de sortie exceptionnelle du juge. Et ils courent sans aucune surveillance particulière. Quand ils ont terminé la course, ou s'ils abandonnent, ils sont récupérés par les bénévoles et ils réintègrent la cellule de prison. Lucien Jean-Baptiste, Julie Jouve compte se servir de la vraie course pour l'intégrer à son film, comme vous l'aviez fait du carnaval en Martinique pour 30 degrés couleur. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on se mêle à la réalité pour un tournage de fiction ? La réponse est dans la question, c'est la réalité. Le cinéma, on doit tout contrôler, donc il est difficile de se confronter. Voilà, quand en cinéma, on a un élément qu'on ne contrôle pas. Ce qui va se passer, enfin, j'ai pas de donc on conseille à lui donner, mais on pourra en parler, c'est surtout de bien se préparer sur ce qu'on a à tourner. Vraiment, c'est un travail de préparation en amont. Là, il n'y a pas place à l'impro, puisqu'il y a un élément inconnu. Donc, c'est de bien se préparer en amont, savoir ce qu'on va shooter, et puis y aller le jour J, quoi. Mais c'est un saut dans le vide, tu vois. C'est passionnant. Enfin, là, t'es dans du cinéma. Tu vas te prendre des vraies bonnes sensations. Autre conseil d'un pratiquant hein, qui vient de passer par là, qui a eu le prix de scénario l'année dernière, qui présente son film sur la croisette cette année. Quel, justement, conseil, peut-être, en termes de timing, vous donneriez, Geoffrey Renan-Batz, à Julie Jouve ? Je pense que le conseil que je donnerais, c'est de surtout bien visualiser, en fait, ce qu'on veut raconter et comment on veut le raconter pour, une fois sur place, aller directement à l'essentiel voilà. Et Célia Le Brument, un conseil à son interprète qui ne sera pas une jeune fille de 12 ans ou 14 ans, mais comment est-ce qu'on se prépare à investir le rôle principal dans le film de Julie Jouve ? Comment est-ce qu'on se prépare peut-être psychologiquement à porter tout ça ? Bah, déjà, elle sera plus âgée que moi, donc je pense que mentalement, elle sera plus forte, psychologiquement. Enfin, j'espère pour elle. Julie Jouve fait un petit peu la grimace. Elle se dit cette Célia m'a l'air assez forte quand même dans oui, son genre. Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est pas forcément une question d'âge, parce que je pense que tu as bien la tête sur les épaules. Et à mon avis, tu as eu une sacrée force mentale pour faire le tournage que tu as fait. Alors, on va s'en rendre compte avec un court extrait du film Cassandre, un film, on l'a dit, de peu de mots, mais on va quand même entendre la voix de Célia Le Brument. Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? On n'aime pas s'entendre, c'est ça, Célia, le brûlement ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Ni me voir. C'est pénible, c'est une sensation désagréable. Oui, en plus, j'ai l'impression de mal jouer, donc... Non, moi j'ai vu le film et cette impression est fausse. Expliquez-nous ce qui se passe à ce moment-là, Geoffrey Renombat. Donc c'est le moment où elle se perd véritablement, en fait, et où le film va basculer. Donc voilà. Dans autre chose. Exactement, pour ne pas gâcher le plaisir du spectateur. Alors cet extrait est très sonore, ouais, Lucien, ouais. Jean-Baptiste. C'est important qu'un film puisse s'entendre autant que se voir. Mais ce qui est formidable, c'est que le son a fait son ouvrage. Là, on sentait la nature, le bruit des oiseaux. On avait des images. Le son nous apportait des images vertes. Enfin, j'imagine, ça doit être un peu. Voilà, donc c'est. Oui, le son, c'est 50% du film. Et quand je dis son, c'est pas musique. C'est aussi. C'est pas que musique. C'est le mix, c'est les ambiances, etc. Ça, il faut le travailler le plus possible. Surtout, en plus, quand on est dans des éléments comme ça de nature, où le film n'est pas très bavard, c'est important que tout ce qui est son prenne une vraie bonne place. Julie Jouve, comme Lucien Jean-Baptiste, vous ne venez pas du milieu du cinéma, vous êtes, prof de lettres, vous avez exercé notamment au Mexique, ça vous apporte quelque chose d'avoir roulé votre bosse ailleurs pour passer justement à la réalisation de films ? Oh, non, pas tellement. Enfin, c'est pas tellement ça qui m'inspire, mais c'est surtout l'écriture. En fait, j'écris depuis l'adolescence. Et l'écriture d'un scénario, c'est la même chose qu'écrire un livre, par exemple, écrire un roman? Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que j'avais une écriture déjà à la base qu'on qualifiait de visuelle. Les gens qui me lisaient me disaient souvent « tu as une écriture presque cinématographique ». Et j'ai toujours aimé le cinéma, donc petit à petit, l'idée a fait son chemin et puis je me suis formée en écriture. Et maintenant, est-ce que vous ne devez pas vous retenir d'une certaine manière de trop bien écrire ? Ah, alors c'est vrai qu'on m'a souvent reproché d'avoir des scénarios un petit peu littéraires, là, qui tiraient un peu vers le littéraire. Paris sur mer, Dominique Rodrère. Nous parlons de la remise du prix Océan à Cannes, la lauréate du meilleur scénario 2016 et Julie Jouve pour Tangente et le court-métrage projeté à la quinzaine des réalisateurs après avoir été primé sur scénario par François en 2015 et le film de Geoffrey Renombat, Cassandre. Ils sont tous les deux ainsi que Célia Le Brument avec nous en compagnie de Lucien Jean-Baptiste, président du jury du prix Océan. Nous avions reçu dernièrement l'ancienne journaliste et dirigeante de RFO et du pôle Outre-mer à France Télévisions, Marie-Josée Ali, pour son premier roman, Le Convoi, qui se passe en Amazonie et où le paysage, l'ambiance, joue un rôle aussi important que l'histoire proprement dite. C'est la vie, hein. La vie raconte pas une histoire, la vie raconte plein de petites histoires et ça se passe dans des lieux de proximité, c'est comme ça, les gens se réchauffent ou s'échauffent les uns aux autres et c'est comme ça que les choses avancent petit à petit, il faut jamais l'oublier, il n'y a pas que les grands traits d'histoire qui font l'histoire, il y a toutes ces petites histoires qui font la vraie histoire du monde et de l'humanité, en tout cas c'est celle-là qui m'intéresse. Julie Jouve, on croirait lire votre note d'intention, vous dites à propos de Tangente qu'une petite histoire personnelle s'inscrit dans la grande histoire collective, vous pouvez développer ? Oui, c'est vrai que c'est ça. Ça fait écho. Ça fait écho. Oui, moi j'aime beaucoup partir du réel, de faits réels, et ensuite essayer de toucher les lecteurs ou spectateurs pour tout ce qui est, enfin, de rejoindre l'universalité en fait. Alors dans Tangente, Julie Jouve, est-ce qu'il y a l'idée de prendre la Tangente, éventuellement de s'évader pour Florie, qui a une permission, on l'a dit tout à l'heure, pour disputer son trail, mais qui purge une longue peine de prison pour le meurtre de son compagnon abuseur? Complètement. L'idée vient, c'est à la fois la Tangente, c'est parce que c'est prendre la Tangente, donc il y a effectivement une ambiguïté. Et puis la Diagonale des Fous, donc il y avait un petit clin d'œil au nom de la course. Et puis elle est sur la Tangente aussi. Elle est systématiquement sur... Elle est sur la ligne de crête, oui, voilà. Dans tous les sens du terme. Geoffrey Renombat, moi je suis étonné de voir le scénario de Julie Jouve, de voir le vôtre et le film qui en résulte. On dit que pour les premières tentatives, souvent, on se raconte, c'est son histoire. Et puis pas du tout. Pour vous, il n'y a apparemment rien d'autobiographique, à moins que vous ayez eu une vie antérieure de petite fille. Mais donc, ce désir de se raconter soi-même, ça n'existait pas chez vous. Geoffrey, il faut répondre. On met forcément que des choses qu'on a en fait dans un scénario. Après, c'est on va dire il y a des histoires aussi dans lesquelles on peut mettre des histoires dans lesquelles on n'est pas C'est vachement dur comme question. Moi, bon. Célia sait comment y répondre, Célia Le Brument. Bah, moi, je trouve que Cassandre correspond vraiment à Geoffrey. Après, sur. Enfin. C'est elle peut-être a, une petite fait fille, venir. Mais. Elle a bien fait venir. Alors. C'est une petite fille, mais je sais que tu t'es inspiré un peu du petit prince, non? Tu t'es un peu inspiré. Bah, je me suis inspiré de beaucoup de choses, en fait, aussi, que j'ai pu lire avant, surtout en littérature, en tout cas. Et puis mettre des choses aussi. Oui, ouais. qui me sont proches, bien sûr. Mais la personnalité de Cassandre, elle correspond vraiment à celle de Geoffrey, je trouve. Vraiment. Enfin, moi, je retrouve Geoffrey dans Cassandre, mais après... Bon, Lucien Jean-Baptiste, je ne veux pas jouer les entremetteurs, mais pour la deuxième étoile, non, Célia Le Brument... Oui, même la troisième, ouais, la quatrième, hein, c'est bien, on est bien, là, on a une bonne piste. Alors, la part autobiographique chez vous, elle est assez présente, hein, puisqu'on parle de la première étoile. Bon, ensuite, il y a la Martinique, il y a le film Dieu merci, ouais, aussi, où vous vous racontez. Chez vous, c'est quand même la fibre qui vous anime à chaque fois. Oui, j'aime bien dire que j'ai pas beaucoup d'imagination, donc je raconte mes histoires perso. C'est ce qui fait mon cinéma. Et puis, comme je le dis souvent, ma mère aussi est de m'influence beaucoup. Hein. Elle est potomitan, comme on dit aux Antilles, peut-être à La Réunion aussi. Elle est. Et en toute discrétion, parce qu'elle fait des apparitions dans vos films, des toujours. Rôles quasi muets. Ouais, elle est toujours dans les films. De toute façon, si je la mets pas, je me ferai engueuler. Vous savez ce que c'est une mère antillaise, hein. C'est 10 mères juives, hein. Alors donc ça chauffe. Second extrait de Cassandre avec la chanson en créole par votre autre interprète, Christophe Langrom. N'aura pas malisé si la terre prenait pas de enfants. N'aura pas l'oppression, puis la guerre quand va venir le temps. Tout le monde s'est nové si nous croit demain, ça pique comme avant. Pas de si nous croit attendre pas demain, Esther, l'avenir, le temps. Lucien Jean-Baptiste est prêt à faire les chœurs, j'ai l'impression, non ? Mais bien sûr, Focos Créole, Réunion. Geoffrey, Renan Batz, ce nouvel exercice de décryptage, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quel est le sens de cette chanson ? Alors, le sens de cette chanson, c'est le lien fort qui existait entre le père de Cassandre, donc décédé, et Cassandre. Et elle revisionne, en fait, ce qu'elle a pu vivre avec lui et les choses qui l'ont marqué, en fait. Dans sa vie. La chanson a fait bon ménage avec le cinéma. Elle peut nous emmener dans des sommets pour lesquels l'image ne suffit pas, comme la quête, hein, évidemment, de l'inaccessible étoile de Jacques Brel que vous utilisez dans Dieu merci. Lucien Jean-Baptiste, vous parliez tout à l'heure de la musique. Ça, c'est une place fondamentale pour un film. Il faut y penser tout d'abord ou bien ça vient au fur et à mesure des images, justement. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, il y a toujours à un moment dans l'écriture ou au début du projet, une musique qui va m'accompagner tout le truc. Pour la première étoile, c'était Jean Ferrat. Ça a été et puis aussi La Perfecta, pardon. Que la Montagne est belle. La Montagne est belle et puis La Perfecta. Pour le second, c'était j'ai oublié. Pour le ça il le coupera. Mais c'est très important quand même. Non, c'est important. Et pour Dieu merci, évidemment, c'était la quête de Brel. Et ce morceau, voilà, comme ça, m'accompagne et nourrit l'écriture. Et les réalisateurs ont souvent un compositeur attitré. C'est pas votre cas, Lucien Jean. C'est pas simple, la musique, de trouver le c'est pas le bon compositeur. C'est-à-dire que il y a beaucoup de les producteurs aiment bien aussi mettre leur nez là-dedans. Donc moi j'aimerais avoir un compositeur attitré, mais c'est vrai que ça donne lieu à des grands débats. On fera une émission spéciale produit. Nous n'y manquerons pas. Vous pensez déjà à l'utilisation de la musique dans Tangente, Julie Jouve? Oui, j'y ai pensé. C'est déjà décidé. En fait, c'est un film où le son a une énorme place. Mais justement, c'est du son. C'est pas de la musique. Ce sont des effets sonores. Il va y avoir beaucoup d'effets sonores, beaucoup de bruitage. Donc, c'est une partition en soi que ces effets sonores. Du coup, la musique, il n'y aura pas de composition en fait pour le film. Et puis peut-être sur le générique, une petite chanson a cappella qu'on a déjà en tête. L'évasion, c'est le titre du récit de l'otage de la Réunion, Francis Colomb, retenu pendant 11 mois par des ravisseurs djihadistes au Nigeria, avant de réussir à s'évader par ses propres moyens. Nous lui avions donc demandé si par rapport à ses 330 jours passés à échafauder des plans, il n'arrivait pas que le retour au quotidien manque un peu de piment. Mais 11 mois, c'est toujours cher, surtout quand on a 63 ans. Ça fait, on a l'impression d'avoir perdu 11 mois de liberté. Et qu'est-ce qui est plus beau que la liberté ? C'est quand même une étape dans ma vie que j'aurais mieux voulu éviter, quoi, que j'aurais voulu passer à côté. Julie Jouve, à travers sa privation, c'est aussi un film sur la liberté que vous allez faire ? Oui, complètement. Complètement. Et c'est... vous avez été en contact avec le milieu carcéral pour écrire cette histoire ? Non. Non, il y a... Vous préfériez éviter ? Alors, non, c'est, ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça m'est venu par rapport à Denis Boulay, par rapport au directeur. Je voulais rendre hommage à ce qu'il faisait. Et par contre, nous avons un projet d'intervention à la prison des femmes dans les mois qui viennent, là, pour justement avoir un peu plus de pénétrer un peu plus ce milieu et s'en imprégner, en fait. Je pense que c'est quand même assez particulier. Lucien Jean-Baptiste, ça n'est pas votre terrain de jeu, évidemment, La Réunion, mais à force de voir éclore des projets de La Réunion, vous dites... Si, moi, j'ai pas de terrain de jeu spécifique, hein, et je leur disais tout à l'heure que et tant pis, la Martinique va me taper sur les doigts, mais quelle île, La Réunion, j'ai eu la chance d'y tourner, c'est magnifique, enfin, je veux pas développer, allez-y, vous verrez, c'est formidable. Non, vraiment, hein, tant pis, je suis désolé, Moon Martinique, hein, mais c'est vrai que toute cette variation de végétation, vous êtes au bord de la mer, vous roulez 20 minutes, vous êtes à la montagne dans un chalet, c'est sublime, et puis ce volcan et tout ça, et puis toute cette population là, les Yapdeo, les machins, les CAF, tout ça, enfin c'est j'ai kiffé la Réunion, c'est beau de dire ça comme ça. Alors on va faire retomber un peu l'ambiance, Lucien, avec Célia Le Brument, puisqu'on parlait de captivité, de détention, de quoi est-ce qu'on peut se sentir prisonnière éventuellement pendant un tournage? Je sais pas, peut-être du temps, je pense, parce que on a un peu la pression. On se dit que si on est en retard, c'est un peu à cause de nous, des fois. Ouais, voilà, du temps, je pense. Des fois, quand on a du mal à développer des émotions, enfin, je sais pas. Geoffrey Renan-Batz, vous avez été électricien sur un film qui était à Cannes cette année, c'est-à-dire Sac la mort. Quand on est dans l'équipe technique, on pique des choses comme ça, comme vous nous le disiez déjà l'année dernière. On essaye de s'imprégner d'un long métrage qui, justement, a les honneurs de Cannes. Vous avez trouvé matière ? Alors, pas vraiment dans le film d'Emmanuel Parot, que j'ai pu voir d'ailleurs, qui est très très bien, mais qui... très très différent en termes de mise en scène. Par contre, c'est plutôt dans sa manière de communiquer à l'équipe, à Emmanuel, où je trouve que c'est une personne formidable et qui parle très très bien aux techniciens. Et c'est pas toujours le cas d'avoir d'aussi bons contacts avec un réalisateur, surtout que c'est un moment assez stressant pour lui et qu'il a pas forcément le temps. Et Emmanuel, c'est quelqu'un qui prend le temps et ça, c'est quelque chose d'humainement très chouette sur un tournage et qui apporte beaucoup au film aussi derrière. Et c'est sûrement le cas avec Lucien Jean-Baptiste. Moi, c'est cool. Sinon, je fais pas. Sinon, voilà, bon, je pète les plombs une fois, puis c'est tout. Mais sinon, non, moi, il faut une très bonne ambiance sur un tournage. Sinon, c'est pas la peine. C'est déjà tellement difficile que si en plus tu ajoutes une mauvaise ambiance. Mais bon, chacun son style. Dans une des premières émissions de Paris sur mer, nous avions reçu le célèbre volcanologue Haroun Taziev, qui s'était éteint, si je puis dire, peu de temps après. La diffusion en avait d'ailleurs été posthume. En 1998, Haroun Taziev était affaibli, mais il crachait encore le feu contre le reste de la corporation. Je ferai remarquer que je suis le Français qui est le premier à parler de géothermie. J'avais même proposé qu'on fasse une prospection de la Réunion. Mais je proposais qu'on le fasse au piton des neiges beaucoup plus favorable que le piton de la Fournaise. Et on a saboté ce projet il y a ça environ une petite vingtaine d'années. Geoffrey Renan-Batz, votre film Cassandre rime avec les cendres du volcan et les cendres de l'urne funéraire d'ailleurs. Quand on est à La Réunion, le volcan c'est forcément au centre de l'écran ? Bon, je dirais pas forcément au centre, parce que on va pas le voir forcément tous les jours non plus et que c'est pas non plus... si proche que ça, en fait, je dirais, de là où il y a le plus d'habitations. Mais pour moi, oui, parce que je suis quand même un amoureux de la nature et c'est un endroit où je vais très, très régulièrement. Oui. En tout cas, pour moi, personnellement, peut-être pas pour l'ensemble de La Réunion, mais... Et vous, Julie Jouve, vous allez vous servir du volcan ? Oui, enfin de la plaine des sables, en fait, qui est l'environnement autour du volcan, qui est très... pour le coup, très cinématographique. Et on a l'impression que on est dans un désert lunaire, Donc c'est Mars. Célia, le brouillement, on est sur Mars. Ouais. Quand je vous disais que la Réunion c'était une île top, tu vas à la Réunion, tu arrives sur Mars. c'est dingue. Hein. C'est voilà, bref. Lucien Jean-Baptiste, un tout dernier mot. Où est-ce qu'on en est de Il a déjà tes yeux? Eh bien, on en est à la musique justement. Donc c'est un film qui sortira le 18 janvier et il sera présenté au Festival d'Angoulême fin août. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci également à Jean-Marie Chazot et à Patrice Klein de Radio France. Viens d'amour, ah, ah, viens d'amour, ah, d'amour, ah, yeah, ah, yeah. Ah, viens d'amour, ah, rien qu'à où il est réconfort, d'amour, viens d'amour. Mes yeux que mes tenir, mes lâche pas, viens d'amour, pas rien qu'à où il guère et confort, à moins viens d'amour, pas yeah yeah, pas. Où est la seule qui peut être à moi, celle qui est la même ton Dieu comme une à chagrin, m'y avoue que y est à moi, où est dans la joie chaque fois où à moins réconforté. On l'a jamais dit, il gratte pas moins. Ou donne à moi l'amour, même la joie, ça ou l'a jamais fionné. Ou l'est pas bien, donc c'est mon tour ta cheveux. Viens dans mon bras, mais il est prêt pour serrer. Viens dans mon bras. Rien qu'à où il est réconfort à moi. Viens dans mon bras. Mes yeux que m'y tenir, m'y lâche pas. Viens dans mon bras. Rien qu'à où il est réconfort à moi. Viens dans mon bras. Yeah, yeah. Comme il est dans la vôtre, ou l'est dans la mienne, nous sommes nous bien. Les siècles qui nous gagnent amènent plus loin. Personne n'y sabote, non m'y croit pas ou connaît à moi. Quand nous à nous nous qu'elle est serein. Il suffit qu'on rapproche, viens dans mon bras ou peut coller à moi. Si on veut ou peut même ta moi la main. Ben oui, rien qu'avec ou même ma fille vécu ce chemin. Rien qu'à où il est réconfort à moi, viens dans mon pas. Mes yeux que m'y tenir, m'y lâche pas, viens dans mon pas. Rien qu'à où il est réconfort à moi, viens dans mon pas. Yeah, yeah. Les peu calquines, mille-vous, allez voir, mille en love. Un petit gal, la ronde mon vie bien rose. Le chemin nous l'a passé, Dieu pour recommencer. Inquiète pas, le puzzle m'a fait tout pour coller. Même si mal à pêcher, vol pas, m'y va mettre droite. Arrête, il n'importe que rien qu'à ou il déboîte. Si on pense que m'y veut aller avec un autre, jamais de la vie, rien qu'à ou n'a l'autre d'ita. Viens dans mon pas. Rien qu'à ou il est réconfort à moi. Viens dans mon mes yeux que m'y tenir, m'y lâche pas. Lâche pas, j'en ai pas. Rien qu'à où il est réconfort à moi, viens dans mon pas. Yeah, yeah. Viens dans mon bras, Skorikovitch, sur Réunion Première, 12h48 minutes. La formation revient à 13h avec la rédaction de France Info. Nous vous souhaitons une belle journée en préparation du sac qu'il faut sur l'île de la Réunion, à la Ramine Blanche, Saint-Pierre. Première. Grand matin week-end, 6h, 9h. Les idées sorties, la musique, les conseils bien-être et beauté. Et chaque samedi matin, savoir si on pouvait consommer les fruits. Je suis à la recherche d'aubépines. J'ai comme des petites coccinelles blanches. Nos experts Henri Meyer, Raphaël Lataste, qui ont toujours de bons conseils pour vous. Grand matin week-end, 6h, 9h. Élodie Haillet, restez avec nous sur Réunion Première. Avec Tom, on a toujours été amis depuis qu'on est petits. On est allés à l'école ensemble et on a toujours fait les pique-niques du dimanche. Encore aujourd'hui, quand il y a des fêtes, on est souvent au fourneau. Alors comme on trouvait pas de travail, on a décidé de monter notre affaire grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. On a monté notre dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, on a pu lancer notre snack. Alors vous aussi réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0800 801 0000 ou en te renseignant sur le site cg974.fr.

Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the laughter of the wise, and you better play in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man, done the only thing you can. Now my life is in your hands. Man in high and gravity, oh yeah, we've got it. Yeah. 13h à La Réunion, l'actualité en direct, France Info. Le journal d'Agnès Soubiran. Bonjour Agnès. Bonjour Marie, bonjour à tous. 6,20 m, c'est le niveau que pourrait atteindre la Seine en fin d'après-midi. Ce sera le pic avant le début demain de la décrue. En attendant, les conditions de circulation restent difficiles. En Seine-et-Marne, dans l'Essonne et dans le Loiret, en revanche, la tendance est plutôt à l'amélioration. Reportage à Montargis dans ce journal. La CGT est en pointe dans la contestation contre la loi travail, ce qui vaut à son leader, Philippe Martinez, d'être attendu en guest star au congrès du Parti communiste qui se tient à Aubervilliers. François Hollande ouvre en ce moment la conférence internationale sur le Proche-Orient, qui réunit à Paris aujourd'hui une trentaine de pays. À suivre également une autre vision de l'Europe avec le festival de musique EuropaVox à Clermont-Ferrand et puis un programme très chargé sur les cours de Roland-Garros aujourd'hui. Et la météo, c'est encore bien couvert sur les trois quarts du pays, de la pluie, voire des orages sur le nord et l'est jusqu'à Lyon. Un peu de soleil en Bretagne et près de la Méditerranée. Sur le sud, vous aurez entre 21 et 25 degrés. Sur la moitié nord, elle fera entre 15 et 21 cet après-midi. France Info. Agnès Soubiran. Signe de la lente amélioration qui s'annonce, il n'y a donc plus de départements en alerte rouge. La Seine-et-Marne est repassée en vigilance orange. 13 départements sont donc à l'heure actuelle menacés par des inondations, selon Météo France. Et c'est le niveau de la Seine qui est à l'heure qu'il est particulièrement surveillé, car le niveau continue de monter. 5,58 m ce matin, il pourrait dépasser les 6 m dans les prochaines heures et atteindre donc 6,20 m en fin d'après-midi, pic estimé de la crue. L'amélioration devrait débuter à partir de demain. En attendant, les Parisiens et tous ceux qui travaillent dans la capitale doivent prendre leurs précautions, car de nombreuses liaisons sont interrompues. C'est le cas notamment de la ligne C du RER qui est fermée dans Paris intramuros depuis hier après-midi. Témoignage d'une Parisienne rencontrée ce matin par Gaëlle Joly sur le pont de l'Alma. Alors moi je vais travailler en vélo puisque d'habitude je prends le RERC et là je ne peux pas prendre le RER pour aller travailler. Là on est sur le pont de l'Alma, elle est haute la Seine. Oui elle est haute parce que d'habitude on vient se promener avec les enfants, on vient jouer sur les morceaux de bois qui flottent là et c'est quand même assez impressionnant mais on est aussi heureux d'être à Paris pour voir ça quoi. Voilà. Ah, vous êtes heureuse de vivre un moment d'histoire en fait. Ben oui. Moi je suis heureuse parce que ça change du quotidien mais en même temps voilà, je veux pas non plus que ça dure et que ça crée trop de problèmes parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent mais voilà, pour nous c'est un petit côté hors du commun et ludique. Vous surveillez le Zouave ? Tous les soirs, on vient après l'école et on regarde jusqu'où ça monte. D'accord. Voilà. Vous avez une cave ? On a une cave, oui, pas très loin d'ici. Ouais. Vous surveillez ? On surveille la cave tous les soirs aussi, en rentrant de l'école. Un témoignage donc d'une Parisienne. Dans le Loiret, la situation s'améliore petit à petit à Montargis. Le Loing est toujours haut, mais il est rentré dans son lit. La mairie estime tout de même que 10 à 15% de la ville a encore les pieds dans l'eau. Il faut dire que l'eau est montée jusqu'à 1,80 m par endroit. Il n'y a pas de problème d'eau potable. Hier soir, un peu plus de 1000 personnes étaient encore privées d'électricité et les rues du centre-ville étaient désertes. Étienne Esquer. À Montargis, presque tous les commerces du centre-ville étaient fermés hier. Le seul bruit dans la ville, c'est celui des pompes qui évacuent l'eau des caves des boutiques, comme dans celle de Brigitte. Alors on est en train de siphonner toute l'eau qui est en bas. C'est plus grand que moi, il y a au moins, je sais pas moi, 1,80 m, 2 mètres d'eau. On va déjà enlever l'eau et assainir. Et bien souvent, on fait avec le peu de moyens à disposition. Franck est fleuriste. On a pris des petites briques, des tuyaux de gouttière et on a mis tout ça et voilà. Bah, c'est une semaine de vacances qu'on ne prendra pas cet été, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'on a eu la fête des mères, on a très très bien travaillé, donc bon, on va être optimiste, on va dire que c'est pas grave. Mais certains commerçants comme Mélanie, propriétaire d'une boutique de vêtements, ont tout simplement tout perdu. Dans la cave, j'ai perdu mes papiers, j'ai perdu des archives, j'ai perdu tous mes vêtements. Tout ce qui était en bas, c'était un stock de vêtements, moi. J'espère ouvrir pour les soldes, qui sont le 22 juin. Les habitants essaient d'être solidaires entre eux. Jennifer est la seule commerçante de sa rue à avoir décidé d'ouvrir. Pour soutenir un petit peu, proposer des cafés, c'est de proposer de l'aide. Par exemple, tout à l'heure, j'ai une dame qui cherchait une machine à laver partout. J'ai été lui laver du linge. Ce jeudi, c'était un peu une ambiance de ville fantôme qui régnait à Montargis. Le reportage d'Étienne Esquer a noté que 20 000 foyers restent ce matin privés d'électricité, dont près de la moitié en Seine-et-Marne, également touchés l'Essonne et dans une moindre mesure le Val-de-Marne et les Yvelines. En attendant une ultime réunion de négociation lundi, le trafic SNCF reste perturbé pour le troisième jour de grève consécutif. Seuls deux syndicats maintiennent la pression, la CGT et Sud. 40% des Transiliens RER en Ile-de-France, le tiers des Intercités, la moitié des TER et 6 TGV sur 10 devraient circuler aujourd'hui, comme hier et avant-hier. Et puis le patron de la CGT est invité aujourd'hui au congrès du Parti communiste à Aubervilliers. Hier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a participé aux discussions. Aujourd'hui, ce sont tous les syndicats impliqués dans la lutte contre la loi travail qui sont conviés, et notamment donc Philippe Martinez, le leader de la CGT, devrait être particulièrement bien accueilli. Julien Langlais. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, Philippe Martinez aura sans doute droit tout à l'heure à une ovation. Il est très bienvenu. Fabien Roussel est le secrétaire fédéral du PCF dans le Nord. C'est important de soutenir la CGT dans son combat et d'obtenir que le gouvernement dialogue, ouvre le dialogue, parce que on n'en peut plus quoi en France là. Le combat contre la loi travail a permis aux communistes de renouer sur le terrain des liens qui s'étaient distendus avec les syndicats et avec la CGT en particulier, partenaire privilégié du PC pendant des dizaines d'années. Je les soutiens à 100%. Hugo Poitvin est délégué fédéral communiste dans la Manche. Que ce soit à Rennes ou à Cherbourg, là où je milite, ils sont également le fer de lance de la mobilisation, ils sont de tous les combats, et ça dans l'intérêt des salariés, des travailleurs de ce pays. Et moi, j'admire ce qu'ils font. Et c'est aussi le cas du secrétaire national, Pierre Laurent. Je crois se saisir de ce moment de salut aux organisations syndicales pour dire que nous avons besoin d'un grand syndicalisme en France. Nous avons besoin de syndicats. Nous avons besoin de syndicalistes qui, dans les entreprises, peuvent défendre les travailleurs. Et que nous refusons les attaques qui ont été portées contre eux ces dernières semaines. Pour leur dire aussi que son parti sera jusqu'au bout le relais politique de la contestation, comme au bon vieux temps. De l'avis de tous élus et militants, la CGT a retrouvé en Philippe Martinez un vrai patron. Et Jean-Luc Mélenchon appelle lui à un rassemblement des Insoumis dimanche, place Stalingrad à Paris, à partir de 14h. Il est 11h06 sur France Info. Le choix courageux de la paix revient in fine aux seuls Israéliens et Palestiniens. C'est ce qu'a déclaré ce matin François Hollande à l'ouverture de la conférence internationale à Paris pour relancer le dialogue israélo-palestinien. Le dialogue direct ne marche pas, a expliqué de son côté ce matin sur France Info Jean-Marc Ayrault. Le ministre des Affaires étrangères espère donc que cette conférence qui rassemble les représentants d'une trentaine de pays pourra relancer le processus de paix. Jean-Marc Ayrault. Il faut tout faire pour recréer les conditions d'un dialogue et d'une négociation directe entre Israéliens et Palestiniens. Et aujourd'hui, tout est bloqué. Et donc, ce que nous voulons, nous, c'est la paix. Et la paix, pour atteindre la paix, il faut que la perspective de deux États, donc un État palestinien à côté d'État israélien, je le répète, soit une Mais on fait la paix sans eux, vous dialoguez sans eux, ils ne sont pas invités ce matin, Israéliens-Palestiniens. Aujourd'hui, ils ne dialoguent pas. La colonisation se poursuit, la violence se développe, je vous l'ai dit, le désespoir s'installe, la propagande de Daesh et d'Al-Qaïda se développe dans tous ces territoires et c'est extrêmement dangereux. Quand j'ai dit que c'est une initiative indispensable, je le répète, il faut créer un climat de confiance pour que les partis israéliens et palestiniens puissent discuter et négocier. Aujourd'hui, tout est bloqué. Donc c'est l'intérêt de tous qu'on débloque cette situation. Nous ne voulons pas faire à la place des Israéliens et des Palestiniens, mais nous voulons les aider. Jean-Marc Ayrault dans le 6-9 de France Info. En Syrie, les frappes des avions de régime de Bachar al-Assad ont touché la ville d'Alep, ancienne capitale économique et deuxième ville du pays. Divisée entre quartiers tenus par les rebelles à l'est et ceux contrôlés par les forces gouvernementales à l'ouest, ce sont les quartiers rebelles qui ont été touchés. Il y aurait une trentaine de morts, dont une majorité de civils. L'Europe côté musique. Depuis 11 ans, le festival Europavox, qui débute aujourd'hui à Clermont-Ferrand, propose une scène éclectique et permet de découvrir des groupes totalement inconnu en France. Yann Bertrand. Bien sûr, il y a Nekfeu, Jane, Dionysos ou Louise Attaque comme argument, mais au festival Europavox, vous pouvez aussi entendre Repetitor, un groupe de rock serbe, aux côtés des Croates de Zen. Quatre pays représentés pour cette 11e édition, de l'Italie à l'Irlande, en passant par la Roumanie ou la Croatie. Des groupes connus chez eux, mais souvent pas du tout chez nous. Europavox, pour son patron François Missonnier, est un formidable accélérateur de vivre ensemble. La scène musicale, c'est pour nous une espèce de formidable ambassadeur de ce qu'est l'idéal européen. Voilà. On fait du rock dans tous les pays européens avec des guitares et des batteries. Mais le rock qu'on pratique au Portugal, il n'est pas tout à fait le même que celui qu'on peut faire au Danemark. Et nous présenter dans le cadre d'un festival toute cette diversité-là, c'est aussi mettre en valeur sa richesse. Désormais, Europavox ne se vivra plus uniquement à Clermont-Ferrand. Le festival vient de remporter une aide pour se décliner dans 6 pays, dont la Lituanie et la Grèce. Un continent de talent qui ne demande qu'à célébrer la vivacité de l'Europe dans la grande marmite musicale mondiale. Le festival Europavox donc débute aujourd'hui à Clermont-Ferrand et se tiendra jusqu'à dimanche. Et puis nous allons suivre une journée chargée à Roland-Garros avec les 4 demi-finales hommes et femmes à suivre aujourd'hui pour rattraper le temps perdu en raison de la pluie. À partir de 13h. Merci beaucoup Agnès Soubiran. L'info revient à 14h.